ding ding ding dong. Pou sa la ke mwen ba san le tane. Pou fe mba ou diskop mwen pou sa montre. Lam dekouvri te doat lam pa we anye. Yeah.